tombe sur les planches fendues. Chaque pas claque, chaque rêve est perdu. Riders qui lèvent les yeux vers l'horizon. Un vieux bazar, une dernière saison. L'harmonica pleure sec et profond, comme un cercueil qu'on cloue au fond. S'écorche, le désert répond, l'harmonica tranche comme un affront. Un cow-boy sous titube vers moi, ses yeux brûlent comme un vieux feu de bois. Il tend des pièces, je tends des clous, dans le vent sec tout devient flou. Son rire casse, mon souffle rappe, l'harmonica gémit. Chaque voix s'éteint dans la braise. Je reste seul, debout, tremblant, avec mes clous, avec mon sang. Mon souffle rappe, ma gorge meurt. L'harmonica hurle ma peur. Un cavalier passe noir et muet. Ses yeux me jugent, son arme est prête. Je tends des clous, il tend du plomb. Le désert garde chaque affront. Je crie rauque, le ciel s'effondre, l'harmonica crache la sang. trouillé, chaque étagère cache un passé. Les clous tombent, le bois se fend, l'ouest s'endort, lourd et sanglant. Je parle bas, le vent m'écoute, l'harmonica tremble qu'un doute. Quand tombe l'aube sur mes plans, chaque clou rouille, chaque voix penche. Heide Skill signe dans la poussière, un testament cru solitaire. Ma voix s'éteint, ma trace demeure, l'harmonica chante.